بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل قراءتنا في كتاب التجريد التوحيد المفيد سيرين الله المولى علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا وبعض. Donc on va continuer inshallah sur l'étude du livre Tajrid al-Tawhid l'imam al-Maqrizi rahimahullahu ta'ala, qu'Allah lui accorde sa miséricorde, en demandant à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous accorde la sincérité à travers nos paroles et nos actes. Donc dans les assises précédentes, dans les premières assises, on a fait une présentation du livre, une présentation de l'auteur, et on avait fait un rappel concernant l'importance du domaine étudié. Et dans la dernière assise, celle d'hier, on avait commencé l'explication de l'œuvre de l'imam al-Maqrizi, intitulée « Tajrid al-Tawhid al-Mufid ». Et dans ce qui viendra, on expliquera l'intitulé et le titre dans ce qui arrive. Donc l'auteur, on a dit dans la précédente assise, Anahu bada'a wa shara'a bil basmala. Il a commencé par al basmala, à dire Bismillahi ar-Rahman ar-Rahim. Et après qu'il cita la basmala, on avait explicité cela dans la dernière assise, le pourquoi que de nombreux auteurs, de nombreux savants, au début de leur œuvre et de leur épître, ils commencent par Al-Basmala. On avait dit conformément, en suivant le modèle du Coran, mais aussi en se conformant à la tradition de notre noble prophète, sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur a fait les éloges d'Allah en disant Alhamdulillahi Rabbil Alamin, louange à Allah, le Seigneur de l'univers. Et donc, on avait explicité aussi cela, le sens des éloges, et on avait dit qu'il y a un début, un commencement réel de l'œuvre et un commencement complémentaire, comme citent les savants. Le commencement qu'on appelle al-bidayatu al-haqiqiyya bi al-basmala se fait avec al-basmala en disant bismillahi ar-rahman ar-rahim. Ensuite, lorsqu'il dit alhamdulillahi wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, par exemple, il commence à faire les louanges d'Allah, certains savants disent وَهَذَا الثَّنَى بِالْحَمْدِ هَذِي بِدَاءَةُ إِضَافِيَّ. C'est un début et un commencement complémentaire. Ensuite, l'auteur a fait les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais avant de saluer sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, après qu'il ait fait les louanges d'Allah, il dit وَلَا عَقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. Et la bonne finalité est pour les pieux et les vertueux, et à ce moment-là, il fait les salutations sur le noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'auteur fait les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad ou ala nabiyyina Muhammad khataman nabiyyin. Et nous, dans la dernière assise, on s'est arrêté ici. Donc on va essayer d'avancer, inshallah, que ce soit dans la lecture du metn, lorsqu'on dit le metn de l'œuvre en elle-même, l'écrit de l'auteur, mais aussi d'avancer dans le commentaire pour comprendre justement les paroles que l'auteur a rédigées. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Donc il fait les salutations sur le prophète sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam. Et on a dit donc faire les prières, ce qu'on appelle les prières sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Allah nous ordonne cela dans le Coran, de prier sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. On a dit, conformément à la parole d'Allah, lorsque notre créateur nous dit dans son livre, « Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi, ya ayuhalladhina amanu, sallu alayhi wa sallimu taslima. » Allah nous dit, « Oh vous les croyants, ou plutôt pardon. » Allah dit, « Certes Allah et les anges prient sur le prophète. » Ô vous les croyants, priez sur lui et saluez-le d'une salutation. Traduction littérale, du verset 56 de la sourate Al-Ahzab. On avait appris que lorsqu'il est dit et on parle de prière d'Allah sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans le sens les éloges d'Allah subhanahu wa ta'ala sur le prophète dans les hautes assemblées. Ça, c'est le sens des prières d'Allah sur le prophète, comme l'ont stipulé, l'ont explicité de nombreux savants depuis des premières générations. Wa salatu min al-mala'ika, et les prières des anges sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'istighfar, c'est la demande de l'absolution et de pardon. Al-istighfar. Et as-salatu min al-adamiyyin, comme on l'avait expliqué, donc ça c'est une révision à ce qu'on a appris dans la dernière assise, et la prière justement des hommes sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on a dit c'est dans le sens de ad-du'a, dans le sens de l'invocation, et on avait plutôt lu la déduction de nombreux grands théologiens musulmans sur cet enseignement-là, lié au verset 103 de la sourate Tawbah. Lorsqu'Allah dit « خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » Prends d'eux une aumône, une zakat, pour qu'ils soient purifiés. Une traduction littérale et relative du verset. Donc on a vu que la zakat est une cause pour la purification de la personne qui s'acquitte de celle-ci. « وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا » Ensuite Allah dit au prophète « وَصَلِّ عَلَيْهِمْ » Wa salli alayhim, dans le sens, et prie sur eux. Et prie sur eux plutôt, littéralement, prie sur eux dans le sens, et invoque pour eux. Marna, wa salli alayhim, ay ud'u lahum. Ud'u lahum. Ida dhafa'u laka zakata amwalihim, fad'u lahum. Wa salatu ala nabi sallallahu alayhi wa sallam wajiba. On avait dit que la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam est une obligation pour le croyant. Et parfois elle est fortement méritoire et recommandé, selon le contexte et les circonstances. Et on avait dit qu'un grand savant de la nation, Ibn Qayyim, dans un de ses livres, a bien explicité cela et détaillé cela dans son livre Jala al-Afham, Fi Fadli al-Salati ala Muhammadi Khayli al-Anam, dans ce livre-là. Donc on va continuer. Ensuite, l'auteur, après avoir fait les salutations, il dit Khatam al-Nabiyyin, le sceau de la prophétie, le dernier des prophètes. Et comme vous le savez tous, les croyants et les croyantes qui croient en la prophétie, en la véracité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, parmi notre croyance de croire qu'il est le dernier des prophètes et messagers. Et qu'il n'y aura plus de prophètes après lui. Et dans la dernière assise, ذَكَرْنَا الْأَدِلَّةَ أَلَّتِي تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ. On a mentionné dans la dernière assise les preuves qui prouvent cela. Les preuves sont aussi bien, elles sont textuelles, elles sont aussi bien dans le Coran et dans la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire que le prophète est le dernier des prophètes et des messagers, qu'il est venu pour clôturer le message des prophètes et des messagers. C'est stipulé aussi bien dans le Coran que dans la Sunna. Et hier, on avait cité les preuves à cela. Donc si vous vous posez la question, ou si on vous pose la question, quelle est la preuve qui prouve que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les prières et la paix soient sur lui, et le dernier des prophètes, il est venu parachever le message de tous les prophètes et les messagers, alors c'est cité dans le Coran, lorsque Allah Azza wa Jal nous dit « Wa khataman nabiyyin » après avoir cité le prophète, dans ce verset 40 de la sourate Al-Ahzab, Allah dit « Wa khataman nabiyyin » et il est le dernier des prophètes. Et le prophète dans le hadith dit « Ana khatam an-nabiyyin ». Le prophète lui-même le dit « Je suis le dernier des prophètes ». Et on a dit, bien sûr, que ce soit à la fin de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam ou après, dans les siècles qui ont suivi, des gens se sont dit et se sont revendiqués, ont prétendu la prophétie. Ils se sont dit « prophète ». Et d'ailleurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans l'une de ses prophéties, dans un hadith, comme on l'avait stipulé dans la assise, avait mentionné qu'une trentaine de personnes, il y aura 30 imposteurs et 30 menteurs après lui, qui revendiqueront la prophétie. Tous seront menteurs et imposteurs. Après lui, il n'y a pas de prophète. La Nabiya Barda. La Nabiya Barda. Vous vous souvenez de cette histoire un peu à l'époque de Harun Rashid, ce célèbre gouverneur calife de l'époque de l'empire abbasside, qui est célèbre. Et à son époque, justement, un homme revendiqué prétendait la prophétie. Alors lorsqu'ils l'ont ramené jusqu'au calife pour qu'il l'interroge, puisque celui-ci se disait prophète, alors le calife lui demanda plutôt sa preuve et comment il s'appelait. Alors Dieu dit, comment t'appelles-tu? Et il dit, je m'appelle La. Il lui a dit, je m'appelle La. Et c'est moi dont le prophète Sansem a averti la venue. Dans le hadith, La Nabiya Bardi. Il a dit, le prophète a informé de ma venue, puisque moi je m'appelle La, et le prophète dans le hadith dit, La Nabi Bardi. Et le prophète, donc ça veut dire La et le prophète après moi. Or, La, c'est une particule de négation. La, pour dire, il n'y a pas, c'est une négation. Donc, cet exemple, je vous le donne pour dire que toute personne peut rapporter des preuves et argumenter et avoir des preuves. L'important, ce n'est pas de rapporter des preuves, comme on l'a souvent dit dans nos assises, mais l'important, c'est que la déduction des preuves et des arguments textuels qu'ils émanent du Coran ou bien de la Sunna soit authentique et valable. Regardez, là, cet individu a prétendu une chose qui est contraire au texte, pourtant, il s'appuie sur le texte. Il prétend quelque chose qui est contraire au hadith où le prophète sallam dit après moi il n'y a pas de prophète la Nabi Abardi et lui se base sur ce hadith pour prétendre le contraire de ce qu'a prétendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ça c'est dans une époque lointaine, dans des siècles anciens. Fama balukum fina fi hadha zaman. Quel est votre avis à notre époque où l'ignorance s'est propagée et s'est installée? Jusqu'à, et on avait terminé notre assise avec ça, la dernière assise, jusqu'à ce qu'à notre époque, à la fin du 19e siècle, et certains s'en disent que c'est l'un des derniers qui a prétendu la prophétie, cet homme qui s'appelait Ahmed al-Qadiani, venant de ce village Qadian, et lui a prétendu être prophète après plusieurs étapes. On avait dit avant, c'était un prédicateur. Certains appellent ça entre guillemets islamique. Ensuite, il a prétendu être un mujaddid, un réformateur, et une personne qui était inspirée, qui recevait une inspiration d'Allah Azzawajal, jusqu'à penser qu'il était le Mahdi al-Muntazar, le Mahdi qui est attendu. Ensuite, il a pensé qu'il était le semblable de le Messie, jusqu'à penser qu'il était le Messie lui-même et prétendre cela aux gens, jusqu'à ce qu'il a dit qu'il est prophète. Il a prétendu la prophétie. Cet homme est mort en 1908. Et donc, dans la dernière assise, on s'est arrêté sur cela. قال المصنف رحمه الله تعالى فهذا كتاب جم الفوائد بديع الفرائد جم أو جم الفوائد بديع الفرائد ينتفع به من أراد الله ودار الآخرة. L'auteur dit une très belle parole maintenant. Il commence. Après cette brève introduction, en cherchant l'assistance auprès d'Allah et l'aide auprès d'Allah, dans son œuvre, pourquoi? Parce qu'il a commencé par Al-Basmala. On avait dit qu'Al-Basmala, lorsqu'on commence une chose, on dit Bismillah, on cherche à travers cela l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala et Al-Baraka à travers les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmani, Ar-Rahim. Ensuite, l'auteur a fait les louanges du Créateur subhanahu wa ta'ala et il fit les salutations sur le prophète. Maintenant, il présente son livre. Vous avez vu, avant de présenter son œuvre et son écrit, il a d'abord, et ça c'est le respect envers le Créateur et son prophète et messager. Ensuite, l'auteur dit, Wahada ou Fahada Kitab. Et là, il présente son livre en disant que c'est un livre qui renferme des fawaïd, de nombreux enseignements bénéfiques. Badi'ul Fara'id. C'est-à-dire un livre vraiment unique dans son genre, en quelque sorte. Donc, vous avez vu, il fait l'éloge du livre. Il fait l'éloge de son écrit. Certains savants, dans l'explication, ils ont dit pas dans le sens que l'auteur se fait sa propre éloge, mais pour dire que ce livre renferme des enseignements immensément immenses et importants, d'une valeur incommensurable. Wa hadha al-kitab, ce livre, traite du droit du Créateur, l'unicité, du domaine de l'unicité. Et comme lui va traiter que de ce domaine, du domaine de la seigneurie, comme on le verra, le domaine de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, il décrit son livre. Il décrit son écrit et son œuvre. Et ça, ça attire l'attention de se concentrer et de se rendre compte de l'importance de cet écrit. Et pour cela, ensuite, il dit, regardez, c'est des très belles paroles. يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ أَرَادَ اللَّهِ وَدَرَ الْآخِرَةِ et profitera de cet écrit, de cette œuvre, celui qui recherche véritablement son créateur, Allah subhanahu wa ta'ala, وَدَرَ الْآخِرَةِ et la maison de l'au-delà, d'une traduction littérale et relative. Donc regardez, ici, l'auteur fait allusion à la sincérité. C'est comme si qu'il conditionne Al-intifa' bihad al-kitab. Le fait de profiter, que ce livre-là soit utile pour le lecteur et qu'il profite de ses paroles, c'est comme si qu'il conditionne qu'il soit sincère. Et donc ici, les savants, dans leur explication de ce livre, ont dit que l'auteur fait allusion, dès qu'il commence son écrit, dès le départ, il fait allusion à l'intention. On pourrait comprendre, à contrario, une compréhension contraire. يَنْتَفِعُ بِهِ مَنْ أَرَادَ اللَّهِ وَدَرَ الْآخِرَةِ profitera celui qui veut, qui recherche véritablement la face d'Allah et la demeure de l'au-delà. C'est-à-dire que celui qui n'est pas sincère, on peut comprendre ici qu'il ne profitera pas de l'œuvre et de l'écrit. Et donc les savants, dans leur explication, si vous revenez aux commentaires des savants de ce livre, Tajrid al-Tawhid al-Mufid, dans ce passage-là, ils font un rappel sur l'importance de l'insincérité. Que l'étudiant d'une manière particulière et le lecteur d'une manière générale, et que le musulman, pour qu'il profite des enseignements bénéfiques, ce qui est important, c'est l'intention. Et donc les savants, à ce moment-là, ils font un très beau rappel en disant « L'important, ce n'est pas d'amasser les informations et le ilm. » comme disaient les pieux prédécesseurs, de mémoriser immensément de narration, de transmission, de ilm, d'amasser, de mémoriser. C'est quelque chose qu'il faut mémoriser. Mais ce qui est important, c'est la crainte du Créateur, subhanahu wa ta'ala, c'est la sincérité. Et donc, celui qui est sincère, Allah lui ouvrira les portes de la compréhension. C'est pour ça que l'auteur, regardez, dès le commencement de son œuvre, il fait un rappel, en quelque sorte, sur la niya, sur l'intention. Et là, ça nous fait un rappel à nous, qui commençons l'étude et la lecture de ce livre, d'être sincères. Ça nous fait un rappel sur la sincérité. C'est pour cela que il y a des gens, ils sont tellement sincères dans leur recherche de la vérité, dans le fait de vouloir comprendre le livre de leur créateur, le fait de vouloir comprendre les paroles, la tradition du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on voit à travers leur application de la religion les bienfaits de ce savoir et les fruits de ce savoir. D'autres, on voit des gens qui amassent, inshallah, qui rassemblent al-ma'loumat, les enseignements, le ilm, et ils en sont heureux, et beaucoup marchent ensuite d'une manière hautaine, en disant « je connais l'hadith, le Qur'an, le fatawa, l'ulama, la jurisprudence, l'aqidah », en se pensant meilleur qu'autrui, mais on ne voit pas les fruits de ce ilm. Et souvent on se pose la question, on dit « subhanallah, hadha talib al-ilm, darasa 'inda mashayikh », cette personne on le connaît, il étudie, mais on ne voit pas réellement les fruits de cette science, la fil ibadat, ni dans l'adoration, la fil adab, ni dans le comportement, ni dans sa manière de parler. Ensuite, on essaye de se convaincre que c'est un bon étudiant qui vient des ulamas et qu'il faut suivre ce qu'il dit, mais lorsque on réfléchit, on se dit il y a quelque chose qui ne va pas. Et ce quelque chose qui ne va pas, il ne va pas chez beaucoup qui veulent mettre en apparence el-ilm, le savoir. Alors c'est pour ça que dès le départ, regardez, puisqu'on est dans une œuvre liée au tawhid, dès le départ, l'auteur, il fait allusion à la bonne attention. Celui qui commence à lire le tajrid al-tawhid al-mufid, alors c'est quoi son intention? Puisque maintenant, si on fait allusion à l'attention, vous allez vous poser la question, quelle doit être l'intention? Il nous fait allusion et une remarque très importante en disant, recherche la face de ton créateur, Allah Azza wa Jal. Men arad Allah. Wadar al-akhirah. Et la demeure de l'au-delà. Alors il dit, tu profiteras justement de ces paroles. Et donc ça doit être ça notre intention, de rechercher la face d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'agrément de notre créateur, et aussi la récompense dar al-akhirah dans l'au-delà. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala samaytuhu tajrid at-tawhid al-mufid. Wallah as'al al-auna 'ala al-'amali bih bimannihi wa karamihi. Et là, regardez, c'est très pertinent. Ensuite, il dit, je l'ai nommé Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Maintenant, l'auteur dit comment il a nommé ce livre. C'est pour ça que beaucoup de savants, de grands étudiants, parmi ceux qui ont enseigné ce livre, cette œuvre, et parmi ceux aussi qui ont haqqaq al-Kitab, qui ont réalisé des recherches pour la confirmation de l'écrit de l'œuvre. C'est-à-dire, est-ce que l'écrit provient réellement et véritablement de l'imam al-Maqrizi? Est-ce que les mots qui sont parvenus dans l'œuvre sont vraiment les mots qu'il a utilisés? Tout ça, yahtaj ila tahqiq. Et donc, certains ont fait le travail, ont fait un grand travail dans al-tahqiq. Comme on a le tahqiq d'un muhaqqiq qui est un docteur, dans les sciences religieuses, qui s'appelle Ali ibn Muhammad al-Imran. Lui a fait le tahqiq de Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Et justement, ceux qui ont fait la vérification justement de l'œuvre stipulent que l'œuvre est véritablement de l'imam al-Maqrizi. Il a véritablement écrit, et le titre provient de lui aussi, puisqu'il est vraiment confirmé après les recherches et les vérifications, que lui-même dit « Sammaytu, je l'ai nommé ». Je l'ai appelé Tajrid al-Tawhid al-Mufid. Tajrid al-Tawhid al-Mufid, souvent traduit par le Tawhid à l'état pur. Le Tawhid à l'état pur. Du fait que Tajrid est dans le sens yarni Talkhis. Talkhis. Et littéralement, Tajrid, c'est dépouiller une chose. Une chose, elle soit dépouillée. Et là, les savants, certains savants dans leur Sharh, ils disent yarni Talkhis. يعني تلخص التوحيد من الشوائب والشركيات والبدع. C'est-à-dire que ce tawhid-là soit dépouillé de toute forme de polythéisme, d'innovation et de légende. Et de cela, il devient pur. Et de ce fait, cette unicité-là devient pure. Comme cela l'explique beaucoup de savants lorsqu'ils expliquent déjà le titre. Tajrid, التوحيد, Al-Mufid. Pour cela que ça peut être traduit, c'est une bonne traduction le fait de dire le tawhid, l'unicité à l'état pur. Le fait tajrid, le fait qu'il soit détaché, dépouillé de toute forme de polythéisme. Et donc l'auteur ici il va clarifier, donc dans ce livre, vous allez voir, pour vraiment comprendre l'unicité qui est le droit de notre créateur subhanahu wa ta'ala, vous allez vraiment comprendre vraiment l'unicité à l'état pur. L'unicité à l'état pur. Vous vous souvenez un jour, dans un récit, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a pris l'un de ses compagnons avec lui sur sa monture. Un jeune compagnon l'a fait monter avec lui sur sa monture, qui était Mu'adh. Et il lui demanda, « Ya Mu'adh, ata'alam haqq Allah ala al-abid, ala al-ibad, connais-tu le droit d'Allah sur ses serviteurs ?» Et le droit des serviteurs sur Allah, et le prophète de lui enseigner le droit d'Allah sur ses serviteurs, an ya'budu wa la yushriku bi shay'an, c'est qu'il l'adore sans lui donner d'associé. Ensuite, il lui dit, et le droit des serviteurs sur leur créateur, c'est qu'ils ne le châtient pas s'ils lui ont pas donné d'associé. Fadl at-tawhid. Imaginez-vous. De là, le compagnon demanda au prophète, est-ce que je peux annoncer la bonne nouvelle. Et là, le prophète lui a dit, là, non, ah, sinon ils vont se reposer sur ça. Juste ce récit, parmi d'autres récits, vous donne l'importance du culte pur et du monothéisme pur. Donc l'auteur dit, regardez maintenant ce qu'il va dire. Là, dans les assises précédentes, j'ai voulu qu'on parle de l'auteur. Donc dans la première assise, on avait cité certains points de la biographie de l'auteur. On avait dit que ses contemporains faisaient l'éloge de l'auteur. En l'occurrence, parmi les biographies de ses contemporains, on avait dit qu'il était contemporain du grand Hafiz Ibn Hajar. Vous avez vu là l'éloge de Hafiz Ibn Hajar concernant l'auteur. Et on avait dit aussi l'un de ses élèves très proche de l'imam al-Maqrizi, qui disait que son shir, et lui-même stipule qu'il ne fait pas de fanatisme sur son shir, mais il dit, il y avait des savants de leur époque, il a des contemporains savants, surtout dans le domaine de l'histoire, mais il dit, comme l'imam al-Maqrizi, fallah. À leur époque, il n'y avait pas. C'est un grand shir. Pourquoi je le répète cela? Et on avait cité cela dans les premières assises, pour vous rendre compte que ce qu'il va dire, c'est avec maîtrise. Les paroles qu'il cite dans son œuvre, c'est une maîtrise, surtout que c'est écrit, donc c'est réfléchi. Et c'est pas quelqu'un qui est débutant en la matière. C'est quelqu'un qui maîtrise le domaine et la matière. Regardez ce qu'il va dire. Et on voit que l'auteur, parce que avant d'écrire dans le domaine du tawhid, il faut soi-même comprendre le tawhid, il faut que celui-ci soit ancré dans le cœur de la personne. Regardez ce qu'il va dire. Et là, on voit que l'auteur, il accordait une grande importance au tawhid et à son application, et que c'est ancré en la personne. Regardez ce qu'il dit. Sammaytuhu tajrid al-tawhid al-mufid. Déjà, le titre nous donne justement une allusion à ce qu'on vient de citer. Et il dit: Wallahu as'al al-auna ala al-amali bih bimannihi wa karami. Regardez ce qu'il dit. Et il dit, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'aide pour sa mise en application, par sa grâce et sa générosité, en traduction relative. Regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il fait là? Il demande à Allah subhanahu wa ta'ala l'assistance, qu'il aide, qu'il fasse, qu'il peut mettre en application cela, al-amal. Et là, les savants, sur ce passage-là, font une très belle portée d'attention. Il y a une immense portée d'attention. Surtout pour l'étudiant en science et pour le musulman d'une manière générale. L'auteur ici fait une portée d'attention, premièrement, sur l'importance de la mise en application, sur l'importance de l'œuvre. Pourquoi? Parce qu'ici, il demande l'aide d'Allah pour agir, œuvrer, avoir une bonne application. Comme on a fait le rappel tout à l'heure, il ne suffit pas d'apprendre. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la bonne mise en application, la bonne pratique de la religion, c'est lié à la bonne compréhension de la religion. Plus on apprend et plus on a une bonne compréhension de la religion, plus notre pratique de la religion est bonne et saine. Et c'est une bonne pratique de la religion. Donc celui qui apprend, comme on l'a dit précédemment, qui rassemble al-ma'loumat, le ilm, le savoir et la connaissance de la religion, mais qui a une mauvaise pratique de la religion, c'est que là, il n'a pas de tawfiq fil amal. Il n'a pas de succès dans la mise en application et la bonne pratique de sa religion. Et là, l'auteur fait une immense portée d'attention et il dit, et cette mise son cœur est lié à son créateur subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est l'auteur, on voit bien ici, qui nous enseigne un enseignement immensément important. c'est que si on veut la bonne application de la religion, une bonne pratique de la religion, et pouvoir mettre en application et œuvrer, puisque les savants disent que l'œuvre, c'est le fruit du ilm. C'est le fruit du ilm. Alors, il faut faire quoi ? Demander à Allah Azza wa Jal. Qu'est-ce qu'elle va enseigner cela ? L'auteur fait allusion à cela, nous enseigne cela. Mais qui est-ce qui va enseigner cela ? Le prophète sallam lui-même a enseigné cela. Vous voyez que lorsque dans un hadith, le prophète sallam dit à compagnon, n'oublie pas à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Et le prophète dit au compagnon, ne délaisse jamais. Ne délaisse jamais cela à la fin de chaque prière de dire Allahumma inni ala zikrika wa shukrika wa husni ibadatik. Ô Seigneur, aide-moi à t'invoquer ou à t'évoquer. Et à te remercier et à bien t'adorer. Traduction relative. Donc, on voit bien que le remerciement, l'évocation d'Allah, l'adoration, ce sont des amel, ce sont des actions, ce sont des œuvres. Ici, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, nous enseigne, après chaque prière, de demander à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous aider. De nous accorder cela. Donc, on comprend bien que celui qui voit qu'il a une déficience dans sa pratique de la religion, dans sa pratique de l'islam, qu'est-ce qu'il faille faire ? Demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il aide. Allahumma inni ala zikrika wa shukrika husna ibadatik. Ô Seigneur, aide-nous à bien t'évoquer et à te remercier et à bien adorer. Ça, après chaque prière, le prophète ensemble nous dit de ne jamais délaisser cela, cette parole-là. Et regardez, l'auteur commence, regardez, c'est pas en vain, en disant oh Allah, as'alul aoun, wallahi as'al, oh wallahu as'al, al-aoun ala al-amal bi-mannihi wa karamihi. Ensuite, il dit i'lam, an Allah subhanahu huwa rabb. كل شيء ومالكه وإلهه ومالكه وإلهه. Ensuite, l'auteur maintenant, on pourrait dire en quelque sorte, c'est comme s'il rentre dans le vif du sujet avec un impératif, une parole immense. Regardez ce qu'il dit, i'lam. Et là, les savants à ce moment-là, ils disent هذه كلمة عظيمة. C'est une parole immense, i'lam. Sache, il y a une portée d'attention. Ce qui va venir, il faut que tu le saches. Il faut que tu aies la connaissance de ce qui va suivre. Et on voit que cette parole, elle est immense. Pourquoi ? Parce que les savants, et vous voyez que l'auteur, l'imam al-Maqrizi, n'est pas seul à utiliser ce style. Avant son épître, on connaît un grand savant qui utilise beaucoup ce style. « I'alam rahimakallah »« Annahu yajibu ala kulli muslim wa muslima an yata'allam arba' masail » Vous avez vu, l'auteur de « Usul al-Thalatha » de Kitab al-Tawhid, souvent il utilise le terme i'lam. لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. إذا نواصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإلهه. Regardez l'auteur ensuite, comme on l'a stipulé, il dit, maintenant on rentre dans le vif du sujet. Et l'auteur dit, i'lam, sache. Et là, cette parole, c'est un impératif, c'est l'impératif du verbe. Alima ya'lam, le verbe savoir, avoir la connaissance. L'auteur fait cet impératif, pourquoi ? Parce que c'est une portée d'attention. Pour qu'on ait une portée d'attention sur ce qui va suivre, sur l'importance des mots qui vont suivre. Donc il dit i'lam. Et on voit que c'est le sanir, c'est la manière de faire, c'est la méthode de beaucoup d'écrivains, de beaucoup de grands érudits, savants, qui lorsqu'ils écrivent, souvent ils commencent, lorsqu'ils veulent faire une portée d'attention sur un sujet très important, ils disent i'lam, sache. Et ce style-là, employé par l'auteur et par les savants, on a cité un exemple hein, dans beaucoup de rasaïl, vous avez vu de l'imam al-Mujaddid, il commence « I'lam, rahimakallah, annahu yajibu, ila akhir al-kalam ». Vous avez vu ? Mais lui, l'auteur, l'imam al-Maqrizi, est venu bien avant. Puisqu'on a dit qu'il est décédé en 845 de l'Hégire. C'est bien ça, hein ? En 845 de l'Hégire. Regardez, déjà à l'époque, ils utilisaient ce style, « I'lam ». Pourquoi ? Vous savez pourquoi ? Parce que ce style-là est utilisé dans le Coran, en fait. En réalité, on retrouve cela dans le Coran. C'est pour ça que les savants disent hadi kalimatun azima ay intabi wa ta'allam ma sayati bima'na al-kalam. Regardez dans le verset de la sourate Muhammad, le verset 19. Lorsqu'Allah dit fa'lam annahu la ilaha illallah, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wa lil mu'minin wal mu'minat. Allah dit au prophète ensemble fa'lam, sache, sache qu'il n'y a nul adoré véritable, digne d'adoration si ce n'est Allah. Littéralement, qu'il n'y a nul ilah si ce n'est Allah. Ensuite, une fois que tu as su la ilah illallah, Allah lui dit au prophète Sassam, demande pardon pour tes fautes et celles des croyants et des croyantes. Mais avant, il faut que tu saches une chose. Fa'alam. Regardez dans un autre verset, Allah dit, i'alamu annama al-hayatu ad-dunya la'ibun wa lahwun wa zina. Sachez, Allah dans un autre verset nous dit, sachez que cette vie d'ici-bas n'est que frivolité, ou plutôt que distraction, amusement, wa lahwun wa zina, et fausse parure. Donc vous avez vu le verbe i'lamu, fa'alam. Dans un autre verset, Allah dit, فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ الْوَكِيلِ. Vous avez dans ce verset, notre verset, اِعْلَمُوا, sachez. Et donc cette parole, elle est immense. Lorsqu'une personne vous dit اِعْلَمُ, là il y a une portée d'attention. C'est-à-dire que ce qui va venir, soit à l'écoute, soit concentré et apprend. C'est ce que veut faire l'auteur. L'auteur, on voit vraiment qu'il est érudit. Il a une immense et profonde connaissance du Coran. Puisqu'on a dit dans sa biographie, ce n'est pas en vain que j'ai insisté sur ça, qu'il a appris le Coran alors qu'il était petit. Donc imaginez-vous, une personne arrive à un certain âge, alors qu'il a appris le Coran petit, et si toute sa vie, justement, il était dans la révision du Coran, dans l'apprentissage du Coran, dans l'enseignement du Coran, dans la mise en œuvre des commandements d'Allah du Coran, alors imaginez-vous arriver à un âge, la personne, la compréhension qu'il a. À savoir que dans sa biographie de l'auteur, l'imam al-Maqrizi, il est dit qu'à un certain moment, il s'est retiré. Il s'est isolé. Et ça arrive. De grands imams arrivent à un moment, de grands savants, ils s'isolent. Et ils se concentrent avant, on voit beaucoup de savants, des années avant de mourir, et se sont concentrés à certains domaines très importants. Comme l'imam al-Maqrizi, certaines années avant sa mort, il s'est isolé et a commencé à écrire. Déjà, il avait déjà des écrits. il avait déjà des écrits, mais s'est concentré et a donné beaucoup de temps à l'écriture. À l'écriture. Pourquoi? Parce que les savants comme Imam Maqrizi, et vous voyez d'autres grands savants lorsque vous voyez les biographies, parmi les qualités et caractéristiques qu'ils avaient, hein, les points communs que les gens de science ont, c'est que pour eux, le temps est très précieux et important. Et vous allez voir que les savants n'ont pas de temps à perdre. Alors surtout si c'est pour des futilités, des choses pas importantes et des choses voire même interdites. Le qil wa qal, le badinage, les faux bavardages, etc. Les savants n'ont pas le temps. Donc certains savants ont dédié la fin de leur vie à écrire, à la méditation, à la contemplation, à l'adoration. Comme c'était l'affaire de l'imam Suyuti à la fin de sa vie, il s'est concentré à l'écrit et il s'est isolé. Et de grands savants aussi. C'est pour ça qu'ils ont laissé de nombreux écrits. L'imam Maqrizi, il a rapporté qu'il a laissé plus d'une cinquantaine d'œuvres. Avec des œuvres qui avaient de nombreux, qui étaient composées de nombreux volumes. Il a vraiment réellement écrit, surtout dans le domaine de At-Tarikh, dans l'histoire. Donc l'imam, il dit, اعلم أن الله سبحانه هو رب كل شيء ومالكه وإله. Là maintenant, il va commencer la clarification de l'unicité de la seigneurie et l'unicité de l'adoration. Et ça va être très très pertinent. Comment il va clarifier et expliquer la seigneurie d'Allah Azzawajal. En disant premièrement, il va expliquer le terme Rabb. Rabb que nous on dit Seigneur. Et vous allez voir l'importance de notre croyance en la seigneurie d'Allah Azzawajal. L'importance de cela. Et l'importance de la compréhension du nom Rabbul Alamin. Le Seigneur des mondes, et on avait expliqué dans la dernière assise, le sens Al-Alamin qui est le pluriel de Alam. Avec un autre pluriel, Awalim. Croire aux différents mondes, et Allah est le Seigneur de ces différents mondes. Tellement, Rabb, le Seigneur, c'est important de comment de comprendre ce domaine-là. Regardez la majorité des invocations qu'il y a dans le Coran, elles sont commencées par Rabbana. Seigneur, Rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhab an-nar. Dans un autre verset qui sont les doigts, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana. Pourquoi Rabbana? C'est ce qu'on va apprendre. Donc la croyance en l'unicité de la Seigneurie est très importante. Pour terminer, regardez l'auteur, qu'est-ce qu'il dit? Pour nous enseigner, Rabb, le Seigneur. Il dit, le terme vient, il dit, fa Rabbu masdaru Rabba, du verbe Rabba, yarubbu Rabb. Ben, Rabbun. Ça, c'est très important pour qu'on comprenne lorsqu'on dit notre Seigneur Rabbana, Ya Rabbana. Et on va bien comprendre cela dans ce qui va suivre. Fama'na qawlihi ta'ala, Rabb al-alamin, qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, Rabb al-alamin, fa'inna Rabb subhanahu wa ta'ala, huwa al-khaliq al-mujidu li'ibadi, al-qa'imu bitarbiyatihim wa israhihim, al-mutakaffilu بصلاحهم من خلق ورزق وإصلاح دين ودنيا. في يوم غد إن شاء الله, demain إن شاء الله, on continuera l'explication de ce passage concernant le détail du terme رب. رب يرب ربا فهو رب والله أعلم وصلى الله وعلى نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك